Président Bardakhané, vous êtes également sur ce plateau et nous voyons avec vous ces images, voilà, de cette audience accordée au président en exercice de l'Union africaine. Alors, quelle est la grille de lecture que vous portez là-dessus? Reconnaissance d'un engagement, d'une coopération, d'une alliance forte et solide entre l'Afrique et la Russie aujourd'hui, ou alors voilà, simple courtoisie? Les choses sont claires. Et il faut se référer, mon cher Guy Fonob, aux coutumes et aux usages diplomatiques qui meublent les rencontres entre chefs d'État et les délégations représentant les différents États. Et par rapport à ces coutumes, usages et ajournements juridiques, il est clair que une rupture s'est opérée, si on prend ce moment-là pour référence, si on prend en compte le fait que, si on prend la manière par laquelle Monsieur le Président Poutine a reçu Monsieur Macron et a reçu le secrétaire, ce que vous appelez secrétaire général des Nations Unies, on ne peut pas faire comme si on ne le voit pas. Le Président Poutine a envoyé un message au monde pour que ceux qui savent décrypter ces choses les décryptent. Et en France, ça a été bien décrypté. Un, de quelle manière? La classe politique française, dans son ensemble, a reconnu que le président Macron avait été, Monsieur Macron avait été rabaissé. Et les médias officiels français ont reconnu qu'il avait reçu une gifle en truquant les images de la rencontre. On a truqué pour répéter la table qui était très longue. Il a répété ça, et je vous rappelle que quand Monsieur Macron arrive en Russie, il n'y a même pas, c'est-à-dire que la Russie n'a délégué personne pour l'accueillir à l'aéroport. Il a été reçu à l'aéroport par les représentants de l'ambassade de France, l'ambassadeur de France à Moscou. Les images sont là. On a vu cette longue table, on a vu ce qui s'est passé à la conférence de presse où M. Poutine évitait même carrément que M. Macron soit à son niveau. On avait la même chose avec le secrétaire général de l'ONU. Ce sont des usages diplomatiques. Ce sont des codes. Et on peut les décoder si on veut travailler sérieusement. On voit ce que ça veut dire. M. Poutine est en train de dire au monde entier que vous n'êtes pas mes interlocuteurs. Je ne vous reconnais plus comme interlocuteur. Parce que vous travaillez à détruire la Russie. Vous violez le droit international. Donc désormais, je vous considère comme tel. Et je pose des actes pour que les gens décodent. Ceux qui veulent décoder. Pareil avec le secrétaire général de l'ONU. Pareil. La longue table, Guy Fonob. Maintenant, vous revenez dans le cas de M. Macky Sall. Je voudrais dire qu'il faut distinguer le président du Sénégal et le président de l'Union africaine. Je pense que si on ne fait pas ce genre de distinguo dans l'analyse, on va se fourvoyer. Monsieur Macky Sall, là, il est parti comme président de l'Union africaine. Et il nous a dit publiquement que j'ai un mandat de mes pairs. Il a dit ça. J'ai un mandat de mes pairs pour aller porter la voix de l'Afrique auprès de M. Poutine. Pour dire ce que nous pensons de cette crise au stade où elle est arrivée, à ce stade-ci. Je ne reviens pas sur les positions des pays africains à l'ONU lors des votes et les positions que les pays africains maintiennent jusqu'à actuellement, malgré les pressions, n'est-ce pas, des criminels internationaux de l'Occident collectif, pour reprendre le mot de M. Lavrov. Donc, ben, quand on regarde l'accueil qui est réservé au président Macky Sall, lorsqu'on voit comment le président Poutine se déplace, il a voyagé, et qu'il est là, pour accueillir, pour attendre le président de l'Union africaine, là, regardez les images, il attend là. Quand vous regardez la table, c'est la même table, mais là-bas, ce n'est pas une table, c'est un guéridon. C'est un guéridon. Un guéridon est différent d'une très longue table qui peut occuper, c'est-à-dire qui a la longueur de tout un, c'est-à-dire, comment, de deux salons. C'est la même chose. Regardez ça, c'est un guéridon. Vous me regardez ça. Est-ce que c'est la même chose qu'il y a eu quand il fallait accueillir M. Macron, le secrétaire général de l'ONU? Est-ce qu'on peut voir ça et savoir ce que ça veut dire? Donc, M. Poutine parle aux Africains. M. Poutine a dit aux Africains, j'ai reçu votre message. La Russie a bien entendu le message que vous nous avez envoyé. La Russie est très consciente de la solidarité des Africains, de la manière dont les Africains se comportent durant cette crise. La Russie vous est redevable, j'ai compris ça. Et je manifeste ça à celui qui vous représente, du moins, les institutionnels, pour l'instant. Celui qui vous représente, c'est pas pour ça, parce que c'est pas une affaire de Macky Sall, l'individu. C'est une affaire du représentant de l'Union africaine, des chefs d'État africains. Donc je te reçois, et en te recevant ici, je reçois tous les chefs d'État africains que tu es censé représenter, puisque tu as leur mandat. C'est comme ça qu'il faut décoder ça. Donc, dire que ce n'est pas un événement, mais ce n'est pas ce que certains Africains cherchent. L'événement se joue là devant vous. C'est un message diplomatique. En tout cas, si vous ne savez pas décoder ça, les Occidentaux, eux, l'ont bien décodé. Ils ont bien compris le message. Ils ont bien compris ce que ça veut dire, mon cher Fodor.